Bonjour et bienvenue à l'exposition Chef-d'œuvre de la collection Perlman, Cézanne et la modernité. Je suis James Stewart, directeur du musée d'art de l'Université de Princeton. Henri Perlman se souvient que sa passion pour l'art moderne a commencé un beau jour de 1945 lorsqu'il aperçoit Vue de Céret de Chaim Soutine en passant devant les American Art Auction Galleries à New York. Il achète le tableau dont les coups de pinceau denses et les couleurs brillantes illumineront le mur au-dessus de sa cheminée. Chaque soir, écrit-il, ce tableau lui remonte le moral quand il rentre du travail. Au cours des trois décennies suivantes, Henri Perlman alliera son amour de l'art, son regard aiguisé et son sens des affaires pour réunir l'une des collections d'art moderne les plus remarquables des États-Unis. Ses goûts vont de Manet et Toulouse-Lautrec à Modigliani et Soutine, mais c'est Cézanne qui devient l'objet de sa fascination la plus durable. Sa collection comprend 6 tableaux et 16 des plus belles aquarelles peintes par le maître français. Au milieu des années 1970, la collection Perlman est prêtée au musée d'art de l'Université de Princeton, où les œuvres ont conquis des générations de chercheurs, d'étudiants et de visiteurs entraînés par Perlman dans une expérience qu'il décrivait comme une aventure à la fois grisante et substantielle. Je vous invite de participer vous aussi à cette aventure en découvrant Cézanne et les peintres modernes. Comme bien des peintures d'Édouard Manet, jeune femme au chapeau rond hésite entre portrait et peinture de la vie moderne. La femme représentée n'a pas été identifiée. Elle pourrait aussi bien être un modèle de l'artiste qu'une Parisienne fortunée fréquentant les mêmes cercles sociaux que Manet, qui était riche et avait beaucoup de relations. Sans aucun doute, elle est habillée comme une femme de grands moyens, avec une tenue bleue à la dernière mode et un chapeau et des gants noirs. Le parfait attirail pour une balade en ville. Cependant, le peintre assombrit ses traits derrière un voile qui défie les standards conventionnels de l'art du portrait. Le spectateur peut entrevoir le regard oblique de son œil gauche et sa bouche pincée qui suggère quelque chose de sa personnalité, mais pas assez pour déterminer une ressemblance qui permettrait d'identifier cette jeune femme. Professeur Bridget Alsdorf. Bien que le sujet initial de ce tableau, une femme se promenant dans le parc, soit parfaitement impressionniste, sa présentation et son exécution se distinguent fondamentalement de l'impressionnisme. Les coups de pinceau bleu du corsage et de la manche de la femme sont lâches et dynamiques et laissent voir des portions de toile nue au niveau du col et le long des boutons, et rend ainsi l'impression de solidité qui se dégage de sa silhouette. Cependant, en dépit de la facture impressionniste en certains endroits, jeune femme au chapeau rond se révèle décidément peu impressionniste à d'autres égards, notamment par l'utilisation importante de la couleur noire. Manet était un virtuose du noir dans toutes ses différentes textures, ombres et éclats, et cette peinture nous en donne un aperçu. Depuis le riche et mat feutre noir qui recouvre le chapeau de la femme, jusqu'au lustre du satin et son gant gauche qui contraste avec le tissu plus riche et plus terne de son ombrelle, en passant par l'ombre teintée de violet sous son menton et par les fins contours évanescents de son voile. Le contour fortement souligné de la silhouette de la femme défie également l'approche impressionniste traditionnelle qui consiste à donner forme en appliquant des touches de couleur, sans l'aide de clairs-obscurs ou de lignes dessinées. Manet a tracé les contours de la femme dans un bleu noir qui la fait ressortir sous le fond pastel.